Chapitre 6e, l'homme cadavre. Dans le lit, la tête pansée, le corps entouré de bandelettes, cet homme était épouvantablement meurtri et sa vie ne tenait plus qu'à un fil. C'est grâce à l'habileté, au dévouement merveilleux des médecins, de leurs aides, que cet homme pouvait encore respirer. Mais tout espoir de le sauver devait être abandonné. « Faites-le vivre, » dit Martin Numa au chevet du moribond. « Faites-le vivre assez pour qu'il parle, qu'il dise un nom. » Pendant plusieurs jours, cet homme demeura dans une sorte de coma dont aucun réactif ne put le tirer. Les injections sous-cutanées d'excitants les plus énergiques demeuraient absolument sans effet. Il avait plutôt l'air d'un cadavre que d'un vivant, tant sa respiration était faible. C'est à peine si l'on percevait au pouls les battements de son cœur. Il restait immobile, et si on lui soulevait le bras ou la main, le bras ou la main retombait absolument comme un membre mort. Il était horriblement mutilé. Son corps semblait broyé. La figure n'avait plus forme humaine, et les chairs déchiquetées, écrasées, ne permettaient pas de trouver une ressemblance quelconque. Sa tête, portant d'horribles blessures, était toute tenue par des bandelettes de pansement. On eût dit d'une momie. Dans le bandage, on avait seulement réservé la place du nez, pour qu'il pût respirer, et une ouverture à la bouche, afin qu'il fût possible d'introduire un tube, et de nourrir avec des liquides, de soutenir ce corps qui s'en allait. On essaya bien, sur l'instance de Martin Numa, de lui appliquer le système Bertillon. On fit le possible pour relever sur le corps délabré un indice qui permit de voir si un document, dans le répertoire de la police, se rapportait à lui. Mais malgré toute la patience que les employés attachés à ce service délicat purent mettre dans cette sorte de reconstitution, malgré l'adresse de Martin Numa, qui s'y employa lui-même, il fut impossible de pouvoir reconstituer le moindre contrôle et l'on dut abandonner les recherches de ce côté. Cet homme demeurait absolument inconnu. Une ressource restait à Martin Numa pour percer le mystère qui l'entourait. C'était de retrouver la trace de cet homme dans la vie ordinaire et sans le secours du bertillonnage de rétablir son identité. Si cet homme travaille dans un bureau, dans une administration quelconque, sa disparition sera forcément signalée, pensa Martin Numa avec raison. Nous saurons donc sous peu à qui nous avons affaire. Mais plusieurs jours se passèrent et aucune réclamation ne se produisit. De nulle part ne vint la déclaration attendue de la disparition de quelqu'un. « Il peut se faire, » dis-je à Martin Numa, « que l'on ne parle pas de cette absence parce que, probablement, cet homme a demandé un congé, s'il a des chefs. Il a peut-être dit qu'il partait en voyage, qu'il s'absentait pour quelques jours. S'il est employé dans un magasin, une banque, un bureau. Non, mon cher Courville, non. » Cet homme ne pouvait prendre de telles précautions pour expliquer son absence. Parce qu'il ne se doutait pas, et pour cause, qu'elle dut se produire. Vous avez raison. Il lui était absolument impossible de dire qu'il partait en voyage pour quelques jours, et descendre dans ce souterrain pour y subir, avec moi, le coup de l'explosion. Très juste, en effet. Quelle conclusion, alors, tirez-vous de tout cela? Il faut admettre deux hypothèses où cet homme, bandit la nuit, faux monnayeur, vivait le jour indépendant, où il était employé chez l'un ou l'autre de ses complices. C'est admissible. Dans ce cas, ceux-ci se garderont bien, vous le pensez, de signaler la disparition de l'employé. Il n'y a plus à compter que sur les alarmes de la famille à laquelle appartenait ce malheureux, s'il en avait une à Paris. Sur l'inquiétude d'une maîtresse, d'un ami, d'un concierge, que sais-je. Mais tout cela est bien aléatoire. Cependant, Martin Numa n'abandonna pas l'espoir de trouver la solution de ce singulier problème. Mais ici, il fallait agir avec une prudence telle que l'on pouvait considérer cette tâche nouvelle comme à peu près impossible. Martin Numa, qui gardait l'incognito, qu'on croyait toujours mort, et même mort une seconde fois, un double mort, ne pouvait s'y donner lui-même. Il était forcé de s'en rapporter à ses hommes, et encore devait-il ne pas charger ses premiers sujets de cette besogne particulièrement difficile. En effet, Prosper et Philippe étaient trop connus des affiliés et suivis par les espions ennemis pour qu'il pût les mettre raisonnablement en campagne. C'eût été donner l'éveil et perdre tout le bénéfice de cette chance inouïe dont avait profité Martin Numa dans cette explosion. Il devait donc s'en rapporter uniquement à l'adresse, à l'habileté de ses agents de second ordre. Mais ceux-ci, quoique très habile, n'était pas de force à mener une enquête de ce genre, extrêmement difficile. Il ne fallait pas compter sur un résultat rapide. Au demeurant, Martin Numa n'osait trop les pousser, de peur que dans un excès de zèle, ils ne commissent ce qu'en termes de métier on appelle la gaffe irréparable. Dans l'état habituel des choses criminelles, quand il s'agit de courir après un malfaiteur quelconque ou de chercher à établir l'identité d'une victime, il est permis à la police, en somme, de faire son travail, de remplir sa tâche dans des conditions absolument normales, de poursuivre son enquête presque à découvert. La situation ici était tout à fait différente. Martin Numa avait à établir l'identité d'un inconnu qui était tout à la fois et une victime, en quelque sorte, et un malfaiteur. De plus, il lui fallait agir dans de telles conditions que non seulement on ne put connaître celui qui cherchait à établir cette identité, mais même qu'on ne parvint à supposer que lui-même, Martin Numa, exista encore. On se rend compte de la difficulté qui s'offrait désormais au génie merveilleux et à la perspicacité du roi des détectives. Cette affaire, cependant, menaçait de ne pas aller aussi vite que Martin Numa l'eût voulu. Non seulement son activité fébrile se trouvait contrecarrée par les difficultés de l'affaire, mais Martin Numa lui-même était souffrant. Il fallait vraiment que cet homme eût un corps d'acier pour avoir pu résister à de pareilles secousses. Néanmoins, on n'échappe pas à des dangers aussi grands sans en ressentir plus ou moins les effets. Et Martin Numa se trouvait en traitement dans une chambre non loin de celui avec qui il avait échappé à la formidable explosion. Il était lui aussi sérieusement meurtri. Rien de cassé, ni bras, ni jambes, aucune fracture, aucune lésion à la tête, mais des contusions qui lui donnaient de la raideur aux membres et lui causaient parfois des élancements très douloureux. L'homme qu'il portait sur le dos, qu'il avait attrapé, son prisonnier, celui qui à présent était dans le lit en un si piteux état, lui servit pour ainsi dire de tampon amortisseur et le protégea, en somme, le sauva. Ce n'était pas le moins curieux de l'aventure. C'est cet homme qui avait reçu la balle du coup de revolver tiré par le chef des bandits. C'est cet homme qui, au moment de l'explosion, reçut le choc des matériaux, ressentit l'effroyable commotion du déplacement d'air et fut projeté contre le mur. Quant à Martin Numa, lancé en avant, il alla rouler grâce à ce fameux hasard dont il niait toujours l'existence et qu'en cette occasion on peut appeler une chance inouïe, une veine fantastique, par la porte ouverte dans le couloir. Il vint tout simplement buter contre un mur en biais sur lequel il ne s'écrasa pas, mais glissa, le choc amorti et se faisant quelques érosions sans gravité. C'est ainsi qu'il put, après un étourdissement qui ne dura que quelques minutes, se ressaisir, juger la situation et voir le parti qu'il devait en tirer immédiatement. Il revint à lui au moment où l'on commençait à descendre dans le trou, à faire des perquisitions, à chercher s'il y avait des victimes et à opérer le sauvetage. Il s'arrangea de telle sorte que, se mêlant aux gens qui entraient les premiers, il put, portant dans ses bras maintenant celui que tout à l'heure il portait sur son dos, apparaître tout simplement par l'ouverture, par le trou béant fait dans le trottoir, par la déchirure du sol, comme s'il venait, lui, d'entrer dans le gouffre avec les autres et s'il en remontait une victime. Il joua le rôle du sauveteur inconnu, ce brave homme qui se dévoue dans les catastrophes, qu'on ne connaît pas, qui n'a aucun caractère officiel, qui fait le plus bel ouvrage et qui disparaît sans rien demander à personne, sans le plus souvent vouloir livrer son nom. Ce sont les Terre-Neuve de l'existence habituelle, type aussi fréquent que les badauds dans le moindre accident des rues de Paris. Martin Numa donc, portant son homme, apparut, couvert de boue, de gravats, absolument méconnaissable, ses blessures cachées par le sang de la prétendue victime, il put se faire un chemin dans la foule. Quand on le vit paraître, aussi horrible et magnifique, terrible et grandiose, des cris et des bravos éclatèrent, on applaudit au courage de ce sauveteur, on l'admira, on se précipita vers lui, et une haie se fit pour lui donner passage. Des agents le soutenaient, sans naturellement le reconnaître, sans que personne ne pût soupçonner qui il était, et ils l'aidèrent à marcher. Ils le conduisirent dans une pharmacie voisine, dont la devanture aussitôt fut assiégée par une multitude de curieux. Là, Martin Numa reçut quelques premiers soins, prit un cordial, et attendit la voiture d'ambulance qui vint le chercher ainsi que sa victime. Selon toute apparence, Le malheureux rescapé ne devait pas vivre longtemps et allait mourir en chemin. Martin Numa laissa la voiture d'ambulance qui l'emportait se diriger vers l'hôpital Lariboisière, le plus proche du lieu de l'accident. Là, le blessé fut pansé et le traitement commença. Mais dans le courant de la nuit, un ordre mystérieux, et qu'on exécuta immédiatement, vint de la préfecture de police, ordonnant de transporter, quoi qu'il arrivât, le sauveteur tout endolori et la victime, enfin très consciencieusement pansée, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Martin Numa avait pu téléphoner au directeur de la sûreté. Celui-ci était accouru en toute hâte et après un entretien assez bref, mais très grave, cette décision avait été prise. À l'Hôtel-Dieu, Martin Numa se sentait mieux protégé, presque chez lui, à deux pas de la sûreté. Il pouvait facilement communiquer avec ses chefs, être sans cesse en rapport avec eux. Mais comme il fallait tout prévoir, ce départ fut fait dans des circonstances telles qu'aucun des espions de la bande ennemie ne pouvait avoir le moindre soupçon. Il était évident que ce qui s'était passé après cette explosion leur était connu. Ils savaient, ainsi que tout le public, que quelqu'un était entré dans la crevasse et sorti du trou de mine, portant dans ses bras un homme horriblement blessé. Ils savaient naturellement que quelqu'un de leur bande manquait à l'appel. Ils savaient qui était celui-là. Quelle conduite allait-il tenir en cette aventure, réclamer ce malheureux ou l'abandonner à son sort? Martin Numa comprit que la prudence et la lâcheté humaine forceraient les affiliés à abandonner leur complice infortuné. Mais il comptait sur ce qui devait se passer en dehors d'eux, malgré eux. Il était donc à supposer que cet homme serait réclamé par des parents ou des amis, qu'on ne le laisserait pas mourir ainsi sans venir le voir à l'hôpital. Il se pouvait que ce malheureux eût une famille à Paris, une femme, un père, une mère, des enfants ignorant peut-être sa conduite secrète, et alarmé de ne pas le revoir, qu'on risquât tout aussi bien l'arrestation comme complice et qu'on demanda à voir le malheureux parent. Martin Numa comptait beaucoup là-dessus pour son enquête. Cependant, il fallait tout prévoir et faire face dès maintenant à toutes les objections. Martin Numa fit appeler dans la chambre où il était un de ses agents, nommé Antoine, et il lui désigna le rôle qu'il aurait à tenir désormais aux yeux de tous. Cet Antoine occupait, au vu et au su de tout le monde, car on ne se doutait pas de sa qualité de détective, l'emploi d'allumeur de réverbère attaché à la compagnie du gaz. Toute la nuit, il roulait, une petite lampe au bout d'une pique, dans les petites rues qui n'avaient pas encore les grosses lampes à pression, allumant les becs des réverbères, mais faisant surtout une ronde, contribuant à garantir la sécurité des braves Parisiens dormant en paix. « Antoine, lui dit Martin Numa, c'est toi qui vas jouer le rôle de l'homme qui est descendu le premier dans le trou. C'est toi qui auras sauvé ce malheureux. C'est toi qu'on a pensé chez le pharmacien. Toi qui as passé une nuit à l'hôpital Lariboisière, et toi enfin, qui vas recevoir les félicitations officielles que te transmettra le commissaire de police de ton quartier. Et mon brave, si on te donne la médaille, tu pourras la prendre sans scrupule et la garder. Tu l'as assez souvent méritée d'une façon anonyme, en d'autres circonstances, dans les services que tu nous as rendus, pour à cette occasion où tu n'as rien fait, avoir la juste récompense de toutes les fois où tu as bien travaillé. » Alors il lui fit la leçon, lui apprit son rôle, lui dicta les réponses qu'il aurait à faire, la conduite qu'il devrait tenir, et le rendit à sa vie quotidienne avec cette auréole de plus. Par le plus grand des hasards, le premier journaliste qui intervieva ce brave Antoine, cet héroïque allumeur de bec de gaz, ce fut ce bon Courville, qui, pas un instant, ne se douta de la vérité. Je fis à cette occasion un reportage sensationnel, je publiai même le portrait du brave gazier, et consciencieusement contribuai à la gloire de ce digne homme qui, dans son petit rayon, aidait chaque soir la ville de Paris à mériter son nom de cité lumière. Je sus plus tard que Martin Numa, en lisant mon article, s'était fort amusé et avait bien ri. Ce fut une nouvelle joie pour lui quand il me révéla plus tard le dessous de cette émouvante aventure. Les confrères firent comme moi de longs articles sur cet événement, et pendant plusieurs numéros, l'allumeur de bec de gaz fut l'homme du jour. Il tint admirablement son rôle, comme tous les élèves, tous les aides de Martin Numa. il empocha sans sourciller les félicitations, les compliments, arbora sa médaille, qu'on ne lui ménagea pas, et garda, comme il le lui avait été prescrit, les quelques billets que des âmes enthousiastes et généreuses le prièrent d'accepter pour sa courageuse conduite.